Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Lewis Trondheim. Bonsoir Lewis Trondheim. Hey, bonsoir, mais je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à 7h du matin parce que déjà je m'aille bien. Allez, courage, il va falloir tenir. Merci beaucoup d'être avec nous et de vous être prêté au jeu. De cette nuit rêvée, c'est sur vos suggestions que nous avons choisi les archives qui seront diffusées tout au long de la nuit. On sera donc ensemble jusqu'à 7h du matin. Cette nuit, grâce à vous, il va être question de Stephen King, de Danny Elfman, de Vladimir Jankélévitch, de Jean Giraud, alias Moebius, du Facteur Cheval ou encore de La Conjuration des Imbéciles, le roman de John Kennedy Toole. Vous allez nous dire pourquoi vous avez eu envie de mettre ces sujets à l'honneur, de quelle façon ils vous inspirent ou tout simplement vous réjouissent, alors que se tient jusqu'à demain la 46e édition du Festival de bande dessinée d'Angoulême. C'est en tout cas un grand plaisir pour nous d'en accueillir l'un des grands prix. C'était en 2006, vous aviez reçu cette prestigieuse distinction décernée par vos pairs pour l'ensemble de votre œuvre. Vous présentez, Lewis Trondheim est une sorte de gageure, un défi sur lequel on peut s'arracher les cheveux, puisque vous êtes l'auteur de plus de 150 albums, je crois, de bande dessinée. En tant que dessinateur et scénariste, ou en tant que scénariste seulement, entre guillemets, en collaboration avec d'autres. Donc, de façon absolument non exhaustive, je vais mentionner que vous êtes le créateur de Lapino, ce personnage de lapin sympathique et un poil moralisateur dont on suit les aventures depuis le début des années 90, qu'avec votre camarade Johan Sfar, vous avez initié Donjon, cette série loufoque et tentaculaire en forme de parodie d'Heroic Fantasy née en 1998 chez Delcourt et qui s'est poursuivie jusqu'en 2014, que vous êtes également l'auteur de la série Ralph Azam chez Dupuis, qu'on a célébré l'an dernier les 25 ans de vos récits à veine autobiographique depuis le tout premier, approximativement, paru en 93 chez Cornelius, jusqu'à la série des Petits Riens, éditée dans la collection Shampoing chez Delcourt, collection que vous dirigez par ailleurs, et que vous êtes l'un des fondateurs d'origine de l'association, cette maison d'édition fondée en 1990, et dont on sait à quel point elle a transformé le paysage éditorial de la bande dessinée en France. Rien que ce mois-ci paraissent non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre albums dont vous êtes l'auteur, seul ou en collaboration. Donc, si je fais le calcul, quelques 150 albums en quelques 25 années de publication, cela fait environ 6 albums par an, ce qui est une quantité assez phénoménale. Du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, Lewis Trondheim, une journée de travail, la vôtre, les vôtres, ça ressemble à quoi? Vous faites comment pour mener tous ces projets de front? Ça commence tard, généralement je me lève vers 10h, 11h. Ah bah c'est tard, mais comment vous faites alors? Eh ben je me couche tard, c'est pas plus compliqué que ça. Non, je suis comme beaucoup de vrais paresseux, je suis très efficace. C'est-à-dire que je travaille peu, mais quand je travaille, je suis là à fond. C'est vrai que quand vous donnez tous ces chiffres-là, ça fait un peu peur. On se demande si je suis pas un peu skatanovite ou n'importe quoi. Mais enfin, j'ai pas l'impression de travailler beaucoup. Moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui aime son métier. C'est vrai que j'aime pas partir en vacances. Vous parliez de Johan Sfar, il est comme moi. Quand on devait partir en vacances, on s'arrangeait pour partir en famille et que nos enfants et nos femmes soient ensemble et que nous, on se mette dans un coin du jardin et écrire Donjon. Donc, travailler, c'est pas dur quand on aime ça. Tout à l'heure, vous disiez aussi, oui, quand je suis seulement scénariste, ça fera plaisir. Mais entre guillemets, ça fera plaisir à tous les scénaristes qui sont seulement scénaristes. mais je suis très joueur aussi, donc j'aime beaucoup travailler avec plein de gens différents. J'aime bien les défis. Si j'ai un jeu, si j'ai un défi, je le relève et je vois pas le temps passer. Donc ma journée type, c'est je me lève à 11h, je fais mes mails, je regarde les urgences, je travaille. Parfois, je travaille pas. Hein. J'ai des journées où je travaille pas, je glandouille. Et en fait, j'essaie de gérer cette glandouille au maximum. C'est-à-dire que je veux pouvoir ne rien faire quelques heures par jour, être là à me tourner les pouces, à jouer sur mon téléphone. Je crois que c'est très important. C'est aussi comme ça que naissent les envies, les projets, c'est aussi dans les moments de rien. C'est en tout cas, j'aime bien l'opportunité d'avoir du temps libre devant moi pour laisser venir des projets qui n'auraient pas pu venir si j'étais le nez dans le guidon toute ma vie. Par exemple, les Coquelicots d'Irak que j'ai coécrit avec ma femme, qui raconte sa jeunesse en Irak. Elle est née à Mossoul en 59. Brigitte Findalki, donc. Et elle, ce projet-là n'aurait pas pu se faire si j'étais à fond tout le temps. Ça s'est présenté comme ça. On l'a fait après, pendant un an, en parallèle de notre travail quotidien. Pareil, là, j'ai commencé un travail avec trois copains, Nob, Aubion et Pascal Jousselin, un truc jeunesse. Ça s'est déclenché au mois d'août. On discutait par mail interposé, et puis au bout d'un mois, on avait déjà fait quasiment 60 pages à 4. Donc j'aime bien l'idée de me préserver du fait de me dire que je suis obligé de faire ce métier. J'aime bien me dire... Je fais ce métier-là, mais je suis pas obligé de le faire. J'ai pas envie de me gâcher la vie à être obligé de faire quelque chose que j'aime faire, parce que c'est le pire moyen de se dégoûter et de faire des trucs pas bien. En 2005, dans un album qui s'appelle Désœuvré, vous vous mettiez en scène, vous interrogeant sur la question du vieillissement de l'auteur en bande dessinée. Vous partiez du constat que très souvent les auteurs de bande dessinée vieillissent mal. Pas très souvent, tout le temps. Tout le temps. Vous citiez quand même quelques exceptions dans mon souvenir. Il y avait quelques. Je parlais surtout de Moebius, qui a su rester curieux et a fait beaucoup d'expériences jusqu'à la fin. Mais malgré tout, c'est très compliqué. C'est comme le rock. On ne peut pas être un vieux rocker et avoir encore de l'énergie et faire des créations formidables. Mais le fait de travailler sur autant de projets, est-ce que c'est aussi une manière de se préserver Bien sûr, c'est à la fois une manière de me préserver, c'est une manière de faire des choses que je n'aurais pas pu faire tout seul, et c'est ludique. Parmi les trois albums qui paraissent ce mois-ci, figure le deuxième opus des nouvelles aventures de Lapineau. Lapineau, c'est un personnage qu'il faut peut-être qu'on présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Comment est-ce que vous le présenteriez à quelqu'un qui n'aurait jamais lu ? Ça dépend combien de temps j'ai devant moi. Bon, tout le temps que vous voulez. J'ai toute la nuit, on a dit. Hein, c'est ouais, ça ? C'est ça. Alors, ça a commencé il y a très très longtemps. Je ne savais pas dessiner et je me suis dit, il faut que j'apprenne. Et pour apprendre, je vais faire des pages. Donc j'ai fait un système de gaufrier, c'est-à-dire de 3 cases carrées sur 4. Et j'ai inventé une histoire, j'ai improvisé une histoire avec un personnage qui s'appelait Le Mâcheur. Et au bout de la case 6, il me semble, il se retrouve avec un antagoniste que j'ai nommé Lapineau. Parce que je me suis dit, Le Mâcheur il est très méchant, donc je vais faire un lapin qui sera très gentil. Et ça, c'était donc Lapineau et les carottes de Patagonie. Tout à fait. Et donc, j'ai improvisé 500 pages de cette façon-là pour apprendre le dessin, pour apprendre la narration, apprendre les dialogues. Je dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, le but n'était même pas de le publier, c'était de le faire. C'est resté dans les tiroirs même pendant un an. Puis c'est les copains, en le voyant, qui m'ont dit, bah non, faut le publier, c'est important. Et ce personnage-là que j'ai créé par hasard, il est resté avec moi parce que j'ai un système de dessin qui est très, on va dire, minimaliste et animalier. Parce que comme je ne sais pas bien dessiner, je ne vais pas m'aventurer à faire du réalisme, même du semi-réalisme, j'en serais tout à fait incapable. Donc j'ai un système de dessin un peu comme, on va dire, comme Disney, mais encore plus simple. Et plus pour adultes, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas... J'aime bien parler aux enfants, mais j'aime bien les deux niveaux de lecture, adultes et enfants. Et donc je fais des histoires qui, pendant très longtemps, m'ont été refusées par tous les éditeurs. Entre 90 et 94, personne ne voulait ça parce que tout le monde me disait mais c'est un dessin enfantin et c'est un propos ado-adulte. Et j'étais très embêté et j'ai fini par réussir à convaincre Dargo de publier le premier Lapineau. Donc c'était Lapineau, mais c'était un western cette fois-ci. Le premier de la série, parce que Lapineau et les carottes de Patagonie étaient parus chez l'association. Il y a eu un autre Lapineau que j'avais montré à tout le monde qui avait été refusé, qui est Slalom, qui a eu un prix à Angoulême, le prix coup de cœur du jeune auteur. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est très compliqué quand on a un système minimaliste de créer des nouveaux personnages, parce que comme je fais un point pour un œil, un autre point pour l'autre œil, parfois pas de nez, un trait pour la bouche, un rond, un ovale pour la forme de la tête. Les oreilles vont être un peu rondes, un peu triangulaires. Mais c'est un peu tout, quoi. Je suis limité. Donc quand j'ai un personnage iconique qui est assez fort, marqué, qui me plaît bien, j'essaie de le garder. Donc j'avais plein d'aventures à faire. Je me dis, prenons le personnage de Lapineau. Il est bien, il est sympa. Donc Lapineau s'est retrouvé en KPDP, en western, en comédie romantique du 19e en Angleterre, et dans le quotidien aussi. Et puis ça me posait pas de problème. Je me disais, c'est un acteur, on fait comme ça. Donc, oui, voilà. C'est ça. C'est la particularité aussi de cette série, c'est que vous l'avez fait voyager dans des univers différents, lui et ses camarades. Hein. Il y a aussi toute une série de personnages récurrents, notamment Richard, son camarade qui a les traits d'un chat. D'une sorte de chat, oui. Il est jaune, il a des pointes de partout. En fait, c'est le pendant, c'est le capitaine Haddock de Lapineau. Lapineau, c'est toujours le héros moralisateur. Qui a bon esprit, qui est le scout, et il faut toujours à côté quelqu'un qui va essayer de dire des bêtises. Donc Richard, c'est le côté sans filtre, qui dit ce qu'il pense et qui fait absolument tout ce qu'il veut aussi, qui n'a pas de surmoi, en quelque sorte. Il a zéro surmoi, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le plus bête. Souvent, on est content qu'il y ait Richard, parce que c'est grâce à lui qu'il y a des aventures, c'est grâce à lui qu'il y a des bêtises. Mais dans le dernier ouvrage, par exemple, c'est lui qui à la fin, sauve Lapineau d'une espèce de détresse morale. Mais il faut dire aussi que donc il y avait eu chez Dargaud cette première série qui avait compté 10 albums, et puis à notre plus grande surprise, nous lecteurs qui étions fans de ce personnage, de cette bande de personnages, vous aviez fait mourir Lapineau dans le 10e album qui s'appelait La vie comme elle va. Pourquoi est-ce que vous aviez à l'époque pris le risque de faire mourir ce personnage? Et deuxième question, pourquoi avoir pris le risque de le faire renaître, puisque l'année dernière, dans Un monde un peu meilleur, vous l'avez fait sous nos yeux de nouveau ébahis, renaître, Lewis Trondheim? Dans l'album La vie comme elle vient, il était question de la mort, c'était la thématique. Et il s'est avéré qu'au bout de la page 10, je me suis dit que le personnage que je voulais faire mourir ne pouvait pas mourir, parce que la mort, ça concerne tout le monde personnellement. Et si c'était un personnage annexe, ça n'aurait pas fonctionné de la même façon. Et donc je me suis dit, le seul moyen de faire quelque chose de fort et d'intéressant par rapport à ma thématique, c'est que le personnage principal meure. Donc Lapineau. J'étais pas sûr de moi, et en festival régulièrement je posais la question à mes lecteurs en disant si un personnage devait mourir, vous préfériez que ce soit Lapineau ou Richard qui meurt? Et 95% des gens disaient on préférait que ce soit Lapineau. Donc je me suis dit pas de problème, on va faire mourir Lapineau, comme ça l'album sera bien. Je supposais qu'il serait bien. J'ai eu pas mal de compliments effectivement par la suite, et pas mal de gens qui m'en ont voulu, parce qu'effectivement ils étaient attaché à ce personnage. Moi aussi, j'étais attaché à ce personnage. Mais à chaque fois, je leur disais, mais s'il n'était pas mort, est-ce que l'album aurait été meilleur? Et à chaque fois, ils me disent, effectivement, non. Donc voilà, donc j'ai fait le meilleur album possible. Vous ne cherchez pas à me titiller, vous aimez bien ce personnage-là, mais il est mort. Et en plus de ça, je ne voulais pas être contraint toute ma vie à être attaché à un seul personnage, à un seul caractère. Parce que je voyais bien comment les autres auteurs qui étaient coincés décennie après décennie avec leurs personnages avaient des tics narratifs, des tics graphiques, et sans qu'ils osaient pour faire des trucs pas très bien. Donc je me suis dit, c'est le moment aussi d'arrêter de faire cette série-là, d'essayer d'autres choses différentes. Que ça, à cause de ça, j'ai fait quoi? J'ai fait Ralph Fazam, j'ai fait Désœuvré, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait Maggie Garrison, qui est un polar qui se passe à Londres avec Stéphane Wary. Texas Cowboy, un western avec Mathieu Bonhomme. Et au bout d'un moment, pour répondre à la deuxième question, il s'est avéré qu'on est dans un système où avant, les héros appartenaient juste à leurs auteurs, sauf le personnage de Spirou qui appartenait à l'éditeur, parce que Rob Vell, le premier créateur, avait vendu les droits à Dupuis. Et puis comme les auteurs mouraient, on s'est retrouvé avec Black et Mortimer qui passait de main en main, avec Lucky Luke qui est passé de main en main aussi, et d'autres. Et je me suis dit, mince, quand je vais mourir, qui va reprendre Lapineau? Comment ils vont s'y prendre pour le faire revivre puisqu'il est mort? Et en réfléchissant à ça, je me disais, comment je pourrais faire moi? Et puis après, j'ai réfléchi deux secondes, puis je me suis dit, en fait, c'est pas compliqué, il vit dans l'une des univers parallèles tout le temps, donc il suffit juste qu'il soit dans un univers parallèle où il est pas mort, et puis voilà. Oui, c'est marrant. Si c'est marrant, je le fais. Et puis voilà. Oui, c'était très amusant parce que dans cet album Un monde un peu meilleur, vous régliez la question de sa résurrection, en quelque sorte. En trois cases, au tout début de l'album, vous dites, c'est un dialogue entre Richard et lui, où il disait, tiens, et qu'est-ce qui se passerait si tu renaissais dans un autre monde? C'est pas ça, c'est que Richard disait, si tu mourais dans notre monde, est-ce que tu voudrais qu'on aille te rechercher dans un univers parallèle pour que tu sois ici dans notre monde avec nous? Puis l'autre disait, non, c'est idiot, parce que ça veut dire que je manquerais à d'autres personnages dans les univers parallèles, donc ça sert à rien. Puis c'était réglé. Le seul truc que j'ai fait, c'est un peu différent, c'est que le Lapineau se promène de tout l'album avec un t-shirt noir avec une tête de mort, avec deux dents comme un lapin. Et je me suis dit, c'est assez je crois que c'était, genre j'oublie pas qu'il a été mort. C'est le signe graphique que c'est voilà. L'autre Lapineau d'une certaine manière. C'est un autre Lapineau, c'est pas le même, je suis pas dupe, le lecteur n'est pas dupe, et ça c'est, voilà, la mort existe vraiment. L'album donc qui paraît ce mois-ci s'appelle Les Herbes Folles, il y est question du combat entre la nature et l'univers urbain, on pourrait dire. Un jour que Lapineau se promène tranquillement dans la rue, il se trouve soudain projeté dans un univers dans lequel la nature a repris ses droits. En envahissant le décor de la ville, il va se faire attaquer par une créature monstrueuse et appelle à la rescousse ce bon vieux Richard. C'est un album qui est composé de 365 planches réalisées à l'aquarelle et dans un format qui n'est pas celui du format habituel des aventures de Lapineau, le 48cc, c'est-à-dire 48 pages cartonnées couleur, qui était celui, le format de l'album précédent, paru quant à lui à l'association. C'est un format ce coup-ci à l'italienne, de composition horizontale. Quel a été le point de départ de ce nouvel épisode, l'envie de composer cette nouvelle histoire, et pourquoi dans ce format-là, qui est très différent du format habituel? C'est une histoire de la vie, c'est-à-dire que j'ai des amis, certains sont très proches, d'autres je pars avec en vacances, d'autres ils viennent au réveillon avec moi pour fêter le nouvel an. Et dont Barbara Canepa et Guillaume Bianco, qui sont des auteurs de bande dessinée. Et le 1er janvier, Guillaume était chez moi, il m'a dit « Ah ben, moi j'ai décidé cette année de faire un dessin tous les jours ». Je lui dis, oui, mais on dessine tous les jours. Je lui dis, non, dans un carnet, je fais un dessin tous les jours spécifique. Et je me suis dit, ah, super idée, je vais faire ça aussi. On est le 1er janvier, j'ai qu'à prendre un carnet et à commencer. Donc, je dessine une case. Et comme je ne sais pas quoi dessiner, je prends le personnage de Lapineau, puis je le fais se promener dans la rue. Puis le lendemain, je fais une autre case. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire Lapineau qui se promène dans la rue. J'essaie de faire des trucs graphiques un peu différents. J'essaie de jouer un petit peu des mélodies sur cette thématique-là. Troisième case, pareil. Le quatrième jour, je me dis, non, je vais m'ennuyer, je ne vais pas passer une année entière à faire Lapineau qui marche dans la rue. Ah bah, en même temps, comme il est dans la rue, bah, ça fait presque le début d'une histoire, il pourrait se passer quelque chose. Et puis je fais une bande dessinée. Et Lapineau se promène dans la rue, effectivement. Et puis après, il y a des apes qui apparaissent petit à petit, qui envahissent tout. Tout le monde disparaît, sauf Lapineau. Et je me dis, bah voilà, il se passe quelque chose. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais sortir le personnage de ce pétrin? Pourquoi il est là comme ça? Et voilà, je me suis retrouvé à faire un album qui n'était pas prévu, encore une fois, parce que j'avais le temps. Oui, vous dites encore une fois, parce que vous avez expliqué à plusieurs reprises que vous fonctionnez très souvent, ou même tout le temps comme ça, à l'improvisation. C'est-à-dire que les histoires s'écrivent au fil de la plume, il n'y a pas de plan préconçu. Il n'y a pas de plan préconçu, mais généralement, arrivé aux deux tiers, aux trois quarts, je regarde ce que j'ai fait, je vois la thématique principale, et j'essaye de tirer un petit peu des lignes pour me dire où est-ce que je vais et où est-ce que j'arrive. Par exemple là pour les herbes folles, j'ai triché, c'est que j'ai publié un dessin par jour sur Instagram, mais j'en ai fait un peu plus que ça, parce que quand je suis dans une séquence, je suis excité, j'écris tout, je dessine tout, et comme je voulais que le bouquin sorte en janvier, il fallait absolument que je termine avant pour que le bouquin puisse être publié en novembre dernier, et j'ai dû finir en août. Vous fonctionnez très souvent à la contrainte. Il faut rappeler que vous êtes l'un des membres fondateurs de Loubapo, l'ouvreur de bande dessinée potentielle. La contrainte, c'est aussi un stimulant, une manière de... Oui, parce qu'on sait très bien que trop de liberté tue la liberté. Il y a rien. Moi, je suis prof une fois par mois à Émile Cole à Lyon, et les élèves, si on leur donne une feuille blanche en disant « Allez-y, faites-moi une bande dessinée, vous avez toute la journée », ils vont être là, ils vont être perdus, ils savent pas quoi faire. Et par contre, si on leur dit « Alors, vous avez maintenant me faire une bande dessinée qui va être avec une contrainte, par exemple ce sera muet, vous allez faire tous les personnages qui seront décentrés, et en plus de ça non, on va même dire, on va même pas faire de personnages, on va faire zéro personnage, vous allez faire une bande dessinée sans personnages, débrouillez-vous à faire que des décors, et il peut y avoir des bulles, il peut y avoir de la narration, et puis faites quelque chose, et là d'un seul coup les idées surgissent. Donc moi j'aime bien effectivement tout ça, parce qu'effectivement j'aime jouer, j'aime être mon premier lecteur, j'aime pas l'idée d'être comment dire, un exécutant graphique, c'est-à-dire que j'ai très peu travaillé avec des scénaristes en étant moi-même que dessinateur, parce que pour moi j'ai besoin de me surprendre, j'ai besoin de voir l'histoire évoluer petit à petit en face de moi, être mon premier lecteur. Et l'une des contraintes que vous vous êtes imposée, enfin je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais en l'occurrence, cet album, il est entièrement muet, il n'y a pas de dialogue, alors que jusque-là, les dialogues très savoureux étaient l'une des saveurs, l'une des choses qui faisait la marque de la série. C'est quelque chose que vous avez pensé consciemment cette fois-ci, j'essaye de faire... J'ai déjà fait des albums muets, hein, que ce soit La Mouche, Mystero, Mystery, Alien et d'autres. La Pinot, je n'avais pas fait d'histoire muette parce qu'effectivement, je me sers beaucoup des dialogues pour les relations de personnages et j'aime bien ça. Ça parle de notre vie quotidienne et c'est plus profond, plus intéressant. C'est peut-être ce qui peut manquer aux Herbes Folles, mais en même temps, les Herbes Folles ont un autre avantage, c'est que c'est totalement muet, c'est très graphique, très visuel. J'ai essayé de m'amuser à faire vraiment des jolies aquarelles pour chaque illustration. Oui, c'est une autre particularité. Jusque-là, vous n'étiez pas le coloriste de la Pinot, et cette fois-ci, de fait. Voilà. Et on sent que vous avez un grand plaisir, vous jouez beaucoup avec. Parce que j'ai beau avoir 53 ans, j'essaye encore d'apprendre à faire des choses. J'essaye d'apprendre des petites choses qui me manquent à chaque fois. Les couleurs comme ça en direct, je n'avais pas vraiment fait, à part dans les petits riens, mais de manière épisodique. Alors venons-en à votre programme, les Weed Trondheim. Dans la première partie de votre nuit rêvée, on va pouvoir écouter un documentaire proposé pour l'atelier de création radiophonique en 1981 par Claude et Clovis Prévost, un couple d'auteurs, cinéastes et photographes qui s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Ferdinand Cheval. Ferdinand Cheval, c'est ce facteur devenu célèbre pour avoir bâti de ses mains son palais idéal. Il avait 43 ans quand il a commencé et il a consacré plus de 30 ans de son existence à la construction de ce bâtiment qui se visite toujours aujourd'hui à Haute-Rive, un petit village de la Drôme provençale. Il y a deux semaines est sorti par ailleurs sur les écrans un film de Niels Tavernier avec Jacques Gamblin qui est consacré à l'histoire de ce facteur. Vous avez souhaité que l'on parle de lui dans cette nuit. Pourquoi ? Comment est-ce que vous avez fait la connaissance de son travail ? Je me souviens plus du tout quand j'ai fait connaissance de son travail, mais j'ai rencontré son travail en même temps que j'ai rencontré l'art brut, en fait. Je n'avais pas les connaissances scolaires sur ce domaine-là. Et d'un seul coup, voir quelqu'un qui, tout seul, sans aucune base scolaire, s'est mis pendant 30 ans à faire ce qu'il avait envie de faire de manière créative, pour moi, c'était totalement fascinant. Surtout moi qui suis plutôt autodidacte, même si j'ai fait une école de graphisme publicitaire, j'ai quand même essayé d'inventer moi-même mon propre langage. Donc je trouve ça toujours épatant. C'est genre, il y a un musée formidable à Lausanne, le musée de l'art brut, où on voit des choses fabuleuses. Il y a un japonais qui doit être, à mon avis, à moitié autiste, qui accumule des pages et des pages. Et quand on regarde, c'est des traits, des points, des ronds. Et quand on regarde une page et une autre, en fait, les traits, les points, les ronds sont exactement aux mêmes endroits. Mais il y en a en épaisseur, je ne sais pas combien, il y en a 40 cm, 50 cm d'épaisseur de feuilles comme ça. Et on se dit, waouh, je ne dis pas que c'est génial, je ne dis pas que je voudrais avoir ça chez moi, je ne voudrais pas que mes enfants soient comme ça. Mais je trouve que cette vitalité créative chez des personnes, c'est bien mieux que d'être dictateur, par exemple. C'est sûr. Vous disiez, en effet, il y a cette dimension de caractère autodidacte de la chose qui est assez fascinante dans l'histoire du facteur Cheval. Vous rappeliez tout à l'heure que vous enseignez maintenant la bande dessinée. Est-ce que vous pensez que c'est un art qui s'apprend ou est-ce qu'au fond, c'est qu'en le faisant qu'on peut l'apprendre? Je crois que c'est surtout en lisant quand on est petit, on l'acquiert au niveau du langage, de la rythmique, et après ça peut venir tout seul ou on peut avoir besoin d'aide, peu importe, hein. Je crois pas qu'il y ait de chemin idéal pour ça, chacun fait comme il peut. Donc non, ce que je voulais juste dire par rapport à cet art-là, c'est que je crois pas qu'on valorise beaucoup l'art dans notre monde occidental, à part des choses qui valent très cher et on en parle juste comme des éléments qui ont été vendus chez Sotheby's ou je ne sais où à plusieurs millions. Mais le fait de dire les peintres du dimanche, tous ces gens-là qui remplissent des petits carnets de couleurs, parce qu'on en voit de plus en plus des petits cahiers juste pour se déstresser ou remplir les choses en couleurs, tous ces gens qui font de la broderie, tout cet aspect créatif est souvent moqué. Et moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est touchant, c'est bien, c'est humain, c'est rassurant de voir qu'on peut passer du temps à se faire plaisir, à rentrer dans une espèce de méditation personnelle pour quelque chose qui est joli, en tout cas qui est joli pour la personne qui le fait. Pour composer le programme de cette nuit, Lewis Trondheim, je vous ai demandé de me souffler quelques noms d'auteurs de bandes dessinées qui figurent dans votre panthéon personnel. Et parmi eux, vous m'avez cité le nom de Moebius, on en parlait tout à l'heure, référence et modèle pour de très nombreux lecteurs et auteurs de bandes dessinées. Jean Giraud, Moebius, qui était à la fois le dessinateur de Blueberry, la série publiée dans le magazine Pilote, et qui, sous l'identité de Moebius, a aussi composé une œuvre onirique métaphysique avec des albums comme L'Incal, entre bien d'autres. Il est mort en 2012. On entendra tout à l'heure un entretien qu'il avait accordé à Thomas Baumgartner en 2005, le premier volet d'une série pour À voix nue, dans lequel il racontait notamment sa pratique du dessin dès l'enfance et la façon dont très vite il a été perçu par ses camarades de classe ou par sa grand-mère comme celui qui dessine et tous les bénéfices qu'il a pu tirer de cette position. Je me souviens que dans Désœuvré, l'album dont on parlait tout à l'heure, vous vous représentiez sous l'ombre de Moebius. Il y avait un dessin de vous comme ça, où vous étiez face à lui, dominant. Est-ce que c'est une figure tutélaire, en quelque sorte? Oui, bien sûr, c'est une figure tutélaire. En fait, j'ai plusieurs albums comme ça qui m'ont construit, que ce soit le Garage Hermétique de Moebius, le Petit Cirque de Fred, le Jeune Albert de Chaland, ou Franquin avec... Panaïde à Champignac. C'est des choses que j'adore parce que ça m'a marqué en tant que lecteur. Je ne les ai pas tous lus à 10 ans, hein. J'en ai lu certains à 20 ans, 25 ans. Et le travail du Garage Hermétique, je ne l'ai pas lu quand c'était dans Métal Hurlant, j'ai lu bien après en recueil. Mais j'ai vu une liberté graphique, une liberté narrative dedans qui m'ont épaté, et c'est sans doute aussi pour ça que j'ai fait cette expérience de Lapineau et les cartes de Patagonie en improvisation, parce que je savais que Moebius, il faisait une page ou deux pages tous les mois, parfois en oubliant ce qui s'était passé avant, parfois avec un grand dessin, parfois avec plein de petites cases, et ça m'avait fasciné. Et après, quand adulte et professionnel, je me suis retrouvé à le côtoyer, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais j'ai la chance, en fait, de pas être non plus en challenge avec lui. Lui, c'était un vrai challenger. Il aimait être le meilleur au niveau dessin dans sa catégorie. Mais moi, j'étais poids plume, mais lui, il était super lourd, donc ça va. J'étais pas dans sa catégorie, donc on se parlait. Il n'y avait pas de rivalité. Mais je sais que lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est vraiment être au top, au top, au top tout le temps. Ouais, c'était l'un de ses moteurs. Absolument. De création. Vous m'avez cité aussi deux autres noms d'auteurs un peu moins connus, mais qui sont aussi, je crois, très importants pour beaucoup d'auteurs, notamment de votre génération. C'est Yves Chaland et Daniel Gossens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces deux autres auteurs? Alors Chaland, donc Le Jeune Albert, c'est une œuvre pour moi qui est incomparable. Il y a de l'humanisme dedans, de la cruauté, il y a de l'humour, il y a une façon d'avoir fait les couleurs en système de Bendey qui est très à l'ancienne, qui est fabuleux. Tout ça avec des histoires en demi-page, un style rétro. Pour moi, je sais pas forcément l'album que je prendrais avec moi sur une île déserte, parce que je pense pas qu'il faille prendre des albums avec soi sur une île déserte, parce qu'il fait trop chaud, il pleut et tout va être tout pourri très vite. Il vaut mieux prendre autre chose, genre un parapluie. Mais donc le travail de Chaland est incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que donc il est mort très jeune, autour de 33 ans, voilà, dans un accident de voiture. Et souvent je me dis, mais qu'est-ce qu'il serait devenu? Qu'est-ce qu'il serait devenu? Est-ce qu'il aurait continué à avoir ce niveau-là? Comment il aurait changé? Comment il aurait évolué? Ça me laisse un peu des perspectives par rapport à moi-même que j'ai pas de réponse. Et Daniel Gossens, c'est un type qui est un des rares qui avait le non-sens complètement imbriqué en lui au niveau de sa narration. Dans un journal qui est Flux Glacial, où c'était très gaulois, on va dire. C'est vrai que le non-sens, c'est pas très français, c'est plus anglo-saxon. On a tous découvert les Monty Python très tard, alors que c'était né dans les années 60 et 70. Nous, en France, on nous mettait Benny Hill à la télévision et pas les Monty Python, donc c'est un petit peu dommage. Et heureusement, je crois que le non-sens arrive petit à petit et commence à à être apprécié. Par exemple, un album comme Zai Zai Zai Zai de Fab Caro, qui est totalement non-sens, a été vendu maintenant, je ne sais plus quoi, 150 000, 200 000 exemplaires, ce qui est pour moi incroyable. Et ça relève, à mon avis, aussi du travail de Gossens, qui est là depuis plus de 30 ans, qui fait des livres avec l'encyclopédie des bébés, avec le Père Noël, Retour en Enfer, etc., où il mêle son humour non-sens avec un graphisme. Parce que là aussi, il a un dessin charnel très fort. Quand il fait du décor, il va pas à moitié, il met tout. S'il dessine une pièce, il y a une armoire, et on sait que c'est une armoire normande, avec des moulures ceci, avec des pieds cela. Il est fou. Et après, quand on se dit, ok, c'est bien, c'est formidable, mais non, c'est pire encore, c'est que il était prof d'intelligence artificielle à plein temps. Donc il faisait ça le soir, le week-end. Et on se dit, waouh, un mec comme ça, c'est un cerveau. Et en plus, mais en même temps, il se satisfaisait pas de son travail. Il fallait en plus qu'il fasse son petit travail. Comme on disait tout à l'heure, des gens qui vont faire à côté de la tapisserie, de la broderie ou de la peinture du dimanche, bah lui faisait ses bandes dessinées qui étaient publiées. Parce qu'il avait besoin, il avait cette nécessité-là. Je trouve ça incroyable. La troisième émission qu'on va pouvoir entendre dans la première partie de cette nuit est consacrée à Stephen King. C'est une émission spéciale que François Angelier lui avait consacrée dans Mauvais Genre en 1999, au moment de la parution en France de Sac d'Os, avec entre autres Guy Astic. Lewis Trondheim, vous êtes quant à vous un lecteur assidu, j'imagine, de l'œuvre de Stephen King. C'est pour ça que vous avez... Oui, j'ai pas tout lu, mais quand je tombe dessus, le dernier que j'avais lu c'était Mister Mercedes. Je reste accroché. Il a une qualité d'écriture qui est incroyable. En plus de ça, il n'est pas dupe de lui-même. C'est-à-dire qu'il est prof aussi de littérature et il a écrit un livre sur sa forme l'écriture. Donc, il met dans le coin bouillie, puis il explique pourquoi il fait ça comme ça, comment il a commencé, pourquoi il faut pas mettre d'adverbe quand on fait de la littérature. Donc ça, je trouve ça vraiment fascinant. Des gens qui savent parler de leur métier. Et en plus, qu'ils le font très bien. Et un mec comme lui, on en parle depuis longtemps, il a été adapté beaucoup, beaucoup de fois au cinéma, mais c'est pas quelqu'un qui est encensé non plus par le monde de la culture. C'est vu comme un mec qui fait des romans un peu d'horreur, que tout le monde, que le grand public aime bien, mais... Oui, pas encensé, voire même carrément méprisé. Enfin, il a beau avoir le succès qu'on sait... Voilà, il est dans Mauvais Genre, mais ouais, il n'est pas ailleurs. Or, c'est un écrivain formidable, mais ça a été le cas de plein d'autres écrivains, que ce soit Lovecraft et Howard ou d'autres, qui ont fait de la fantasy, qui ont fait de l'air fantasy, de l'horreur. Mais on est quand même dans un monde qui évolue, et depuis une dizaine d'années, les geeks prennent un petit peu le dessus. Il y a une cérémonie de remise de prix qui s'appelle les Scream Awards, qui récompense les films que moi j'aime bien, qui sont des films pour s'amuser, pour avoir peur, avec des trucs très graphiques. Genre Tarantino, genre Del Toro, etc. Oui, donc, Tarantino qui a remis à l'honneur, ne serait-ce que la culture pulp, évidemment. Voilà, et ça, il y a une espèce d'intelligentsia qui n'aime pas, qui n'apprécie pas. Mais maintenant, il y a une espèce de retour de bâton qui fait que, le grand public aime de plus en plus. Et donc... je veux pas dire que tout est bien à ce niveau-là. Il y a plein de crottes aussi en roman de SF et de fantasy et dans les films, particulièrement chez Star Wars depuis quelques années. Mais voilà, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, qu'on me mette dans un monde imaginaire, qu'on m'embarque sans que ça ait l'air d'être un truc pour me prendre de l'argent. Ouais. J'aime bien quand il y a de la sincérité derrière, faite par des auteurs. Par des grands studios, c'est toujours plus difficile qu'il y ait de la sincérité. Et c'est des univers aussi dans lesquels vous puisez allègrement pour vos albums. Enfin, dans Les Herbes Folles, je sais que vous remerciez Lovecraft, Mobius aussi, mais Lovecraft, enfin des auteurs comme Miyazaki ça. Miyazaki et Mathieu Lee, parce qu'ils ont des univers incroyables. Mais c'est vrai que moi, je pioche pas dans les univers pour les copier. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose de bien, ça m'excite parce que je me dis, je vais faire quelque chose encore mieux si c'est possible. Ah, on retrouve quand même cet esprit de compétition. Je suis joueur, donc il y a la compétition, mais je suis pas frustré par quelque chose qui est génial. Je suis vraiment content qu'il y ait quelque chose d'artistique qui soit bien, qui me plaise, parce que ça me revigore et ça me donne envie d'être dans le challenge. Et quand je vois quelque chose qui est pas bien, là, ça me déprime, parce que je me dis, oh non, c'est dommage, tout ce temps, tout ce gâchis, tous ces arbres déracinés, coupés, toute cette pellicule dégâchée, même si c'est plus la pellicule maintenant, mais tous ces disques durs gâchés. Ah là là. Merci beaucoup, Lewis Trondheim. On se retrouvera tout à l'heure au mi-temps de la nuit pour évoquer la suite de vos choix. Pour le moment, place donc aux trois émissions qui vont l'ouvrir. À voix nue, Jean Giraud alias Moebius au micro de Thomas Baumgartner en 2005. Mauvais genre spécial Stephen King par François Angelier, une émission diffusée pour la première fois en 1999. Et un atelier de création radiophonique signé Claude et Clovis Prévost, réalisé par Jacques Taroni et intitulé Cheval Ferdinand. Il a été diffusé pour la première fois en 1981.